C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi? Et le département de chiropratique présentera sa chronique L'Ajustement. Assemblage requis, ça commence à Ajustement maintenant. Tu connais des gens qui connaissent des gens dans le département de chiropratique. Est-ce qu'il paraît que ce jeu de mots-là, ajustement, l'ajustement, là, ils font ça à tous les jours depuis des décennies, genre? Ah ouais? Moi, je m'étonnerais. Peut-être. Je sais pas, on le fait à chaque semaine, je me dis, crème, il me semble que c'est redondant. Mais bon, donc, bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le mercredi 6 avril 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Bon, François-Olivier. Bienvenue à vous, chers auditeurs du 89 FM. C'est fou. Ah oui, justement, la radio que vous écoutez en ce moment. Pas n'importe quel. Mais non. Aujourd'hui à l'émission, on a Maxime Lemieux-Laramé qui va partager ses découvertes musicales dans Télécharge quoi. Il a toujours trois merveilleux choix pour nous, tout le temps différents dans des styles hétéroclites, je dirais. Exactement, le coach qui vient nous présenter ses artistes favoris ouais. Du moment. On pourrait dire ça comme ça, je pense. Donc voilà, et après ça, on reçoit aussi, comme tu disais si bien dans l'introduction, le département de chiropratique vient nous présenter leur chronique. Toujours quelqu'un de différent chaque semaine, une rotation de roues chanceuses sans Yves Corbeil. Ça leur manque, hein, parce ça que... Ça manque d'Yves Corbeil. Ouais, Yves Corbeil, écoute, est un grand homme. Un grand homme, le spécialiste de la chiropratique. C'est comme... Ouais. Donc ça, c'est vers les 8h30 aujourd'hui. Désolé pour le jingle, je crois qu'il faut payer des copyrights pour ça. On n'a pas tant de budget ici, c'est fou pour... sinon, on a aussi une chronique, c'est un fait qui s'en vient tout à l'heure. Est-ce que ça te surprend? Pas vraiment. Non. On va parler entre autres de la Statue de la Liberté et de Bugs Bunny. Ah ouais. Oh oui. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Oh. Bugs Bunny. On va commencer en musique avec Stamp. Je voulais te faire plaisir wow. Ce matin. Ouais, ça commence wow. Bien. Ah. Ça va être une belle journée. Le soleil est là ce matin, donc ça fait du bien. Bon matin, bon matin. Fausse bonne humeur. Non, je suis bonne humeur. Moi aussi, je suis bonne humeur quand même. Donc, un stem de Rural Alberta Advantage, je suis au 89 FM, c'est fou. Bonne émission, hein? Tu veux pas que les gens aient une bonne émission? Ferme le micro. C'est l'air, hein? Ferme le micro. OK.

Et du bidet. Moins joli, ça, quand même. Ouais. Mais c'est propre, un bidet, par contre. Sûrement. Ça manque en Amérique, un bidet. Moi, je t'avoue que j'ai jamais essayé ça. Je sais pas pour toi. Moi non plus. Non? Physiquement, jamais. Non, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu sur des photos, en vrai. Ouais, c'est ça. Pas en vrai. Non, moi non plus. Ça existe juste pas, on dirait, au Québec. Pas ici. En tout cas. Donc voilà, Takotsubo, super-héros, excellent. On va aller entendre un petit bloc que François lui-même a choisi. Je te dirais que tu nous as arrangé ça tel... Tu sais, le jeu avec les bâtons de bois? Comment ça s'appelle? Jenga. Ah ouais? Jenga. Que t'enlèves, faut pas que ça bouge? C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme ça, un petit peu. Tu sais, faut faire attention à ce bloc-là. Parce que si tu y touches trop brusquement, tu pourrais tout faire tomber l'émission. Oh. Ben c'est ça, assemblage requis, hein? Oui. C'est une construction fragile. Donc, soufflez pas. C'est ça. Respirez pas, finalement. T'sais. Restez dans un coin. Écoutez pas l'émission. Ça pourrait tomber. Non, écoutez, là, sans blague. Ben oui. C'est ça. Certainement. C'est très mauvaise année. Certainement. Non, mais c'est ça. Je voulais entendre un petit bloc ce matin. Lovely Fellers que tu m'as fait connaître. Oui, qu'on affectionne tous les deux extrêmement particulièrement. Oui, oui, très, très bon groupe. Mm-hmm. Et puis, Final Flash qui a joué beaucoup à la première session. Oui. À la session automne 2010. Tu les as lâchés un petit peu depuis, c'est triste. Oh, hein? Ben, quand t'as un moment donné. Hein? Faut prendre une pause, mais... La distance fait que le cœur grandit. Oui, puis un matin, j'avais le goût. Un matin, je me suis dit, wow, ça serait bon. Oui. Non? Ben oui. Tout à fait. Donc, pourquoi ne pas aller l'entendre, finalement, ce bloc? Yeah! Pourquoi en parler aussi longtemps? Oh! on se tait, on va faire jouer la musique. Donc, faire le flash tantôt, mais pour l'instant, voici Lovely Feathers et Louisa. Assemblage requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Hein? Et non pas recyclés. Ben non, c'est ça. Ben, l'été, peut-être. Présentement, c'est toujours du nouveau matériel. Là. C'est que du nouveau. Ouais. Ça va être bon cet été, ça va. Croisière. Ouais. Mathieu, ça va en croisière. Ouais, c'est ça. C'était pas un bruit de croisière. We'll be right back. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Ah, oui, vous êtes bien à Assemblage requis. Il nous reste encore 1h30 environ ensemble. Hein, François? Bande de chanceux. Ah, que vous êtes chanceux. Ah, moi, je ferais n'importe quoi pour être vous. Ah, en y repensant, peut-être pas. J'ai déjà à m'écouter moi-même dans mes écouteurs. Pas sûr que j'en prendrai une deuxième dose. On va faire un petit bloc spécial, comme on aime le faire une fois de temps en temps. Voici le poste d'écoute d'assemblage. Oui. Le poste d'écoute, c'est le segment où on vous présente un album à partir du début et dans l'ordre des pièces. Hein. C'est un peu comme dans un poste d'écoute, c'est d'où le nom d'ailleurs. Étrangement, c'est de là que ça vient. Aujourd'hui, on écoute Timber avec l'album Creep On, Creepin' On. On m'a dit que ça pourrait être bon, hein. C'est le concept du segment, c'est qu'on nous propose des choses. Ah, d'ailleurs, ben, tu fais bien de me le rappeler, ils sont sur la couverture de plein de journaux. Ben oui, exactement, une bonne couverture médiatique, donc d'après moi, ça doit être quand même bon. Ça doit être pas si mauvais que ça, même si l'exclame et le voir, c'est pas toujours un gage non plus d'être la chose que je vais aimer. Évidemment, ça pourrait plaire à bien des gens, mais on n'est que deux personnes ici, hein. Ouais. Toi et moi. Ah, j'ai hâte d'entendre. Moi aussi, donc allons-y à l'instant. Ça commence très calme, la pièce qui débute l'album. Voici Bad Ritual au 89.1 FM. C'est le poste d'écoute d'Assemblage Rue. Take the season very easy. Let's take pills, salt, water. Let's keep looking ahead. It's a bad, bad ritual, but it calms me down. It's a bad, bad ritual. There is proof of your love for him long after it's dead. And every creak and trigger, I will think of you with others I could not smother out. That fire in my head, and I saw your levitating chair. I found your long blonde hairs. I felt your poltergeist present in the frame of the bed. Every creak is a trigger. I will think of you with others. I found depravity convinced me I may no longer care. It's a bad, bad ritual, but it calms me. Poste d'écoute. share my narrative tonight. As your dickless cousin, brother, father, pet, friend, husband, or wife, a lavender scent. A born orchard of hearts seems to surround you as you stare. Each gift horse straight in the mouth, I'll stare my arrow down. I was invited, I was called out to watch you frolic and dance. Oh, I buried my head in my hands, I buried my heart there in the sand. I was cut like cured in charm, I was ferociously put upon until it was clear. Fashion and keep on, I just creep on, creeping on. Yes, I will, I'll not keep on, I'll just creep on. Chest exposing a neck, a night terror through. A twin to my arms, and my stomach dropped as you shifted me off to stop. The ectoplasm coil like a hovering halo of smoke, and our beloved invention is conjured each night in your throat. Oh, I buried my head in my hands, I buried my heart there in the sand. I was cut like cured and charmed, I was ferociously put upon until it was clear. I should not keep on, I'll just creep on. Yes, I will. I'll not keep on. I'll just creep on, creeping on. Or do I try one more time? No, I'll not keep on. I'll just creep on. Timber Timber avec trois pièces de leur album Creep On Creeping On. Ça, c'était la pièce titre précédée de Obelisk et de Bad Ritual. On doit avouer, François et moi, qu'au début, on n'était pas certains. Hein? Au début, non. J'étais pas convaincu. Jusqu'à temps que je me rende compte que ça ressemble beaucoup à Dead Man's Bones. Ouais, de la musique d'ambiance lugubre, de films d'horreur, presque. Ouais, ouais, exact. Des zombies, des momies. Ça sent vieux. Ouais. Le son est très, très rétro. La première pièce, la voix, c'est surtout ce qu'on n'aimait pas là-dedans. Là, dans la troisième, ça chantait aussi beaucoup mieux de ce côté-là. Ouais. La deuxième pièce, il n'y avait pas de parole du tout. C'était l'instrumental. J'aimais encore plus l'instrumental, moi. Tant qu'à faire de la musique d'ambiance, pas obligé de me chanter dedans. non, mais c'est le genre de groupe qui fait la couverture en ce moment. On le disait tantôt du Exclaim, le gros magazine journal de l'Underground. Et aussi, ils font la couverture du Voir, le même moment. Deux couvertures dans notre coin de pays, disons. Mais c'est quand même le groupe que je pense qu'il pourrait peut-être pas lever tant que ça. Un peu à la Dead Man's Bones. C'est un groupe que j'ai pas l'impression que je pourrais écouter ça dans ma vie de tous les jours. Hein. Puis, c'est ça. Tu dis, en fait, pas tous les jours. Faut vraiment que tu fais pour écouter ça ici. C'est un genre d'humeur que je suis pas sûr d'avoir si souvent que ça, ouais. Vouloir écouter de la musique lugubre. Ouais. Mais peut-être que, en fait, peut-être qu'il y a de très joyeuses pièces plus loin dans l'album. Plus loin dans l'album, peut-être aussi. Ça se peut très bien. On nous dit sur Wikipédia que c'est un groupe de folk canadien avec Mika Poston. Ah, c'est canadien. C'est canadien. Simon Trottier et Taylor Kirk. Le nom réfère à une série d'enregistrements qu'ils ont fait au début de leur carrière dans une cabane de bois. Timber, c'est une sorte de bois. Timber a sorti deux albums indépendamment avant de sortir leur premier album complet sur l'étiquette Out of the Spark en janvier 2009. Ensuite, ils ont signé avec Arts and Crafts qui ont ressorti l'album le 30 juin au Canada. L'album a été nommé sur la liste des nominés pour les prix Polaris de 2009. Et ils ont été couronnés album de l'année par iWeekly. La chanson du groupe Magic Arrow a même été en vedette dans une émission de télé américaine Breaking Bad. Qui est très bien coté. Timber ont décrit leur son comme étant du blues, genre swamp un peu. Swamp blues. Bref, allez voir myspace.com/timber. Et là, petite précision, Timber, le premier c'est B-E-R et l'autre Timber c'est B-R-E. Donc c'est comme une genre de variation. Hein. Timber sur MySpace ou encore sur timbertimber.com pour entendre plus de musique et puis voir leur date de spectacle. Voilà, pour Timber, et l'album s'appelle encore une fois Creep On, Creeping On. C'est ça, tu parlais de spectacle. D'ailleurs, ils seront à Montréal au Théâtre Corona le 16 avril prochain. Donc voilà, et puis grosse tournée. En fait, je suis surpris quand même. On parle de l'Allemagne, la Belgique, la France, en Irlande. Et puis après ça, ils reviennent dans les coins Canada, États-Unis. Quand même, hein? Ça se peut qu'on ait tort et qu'il y ait vraiment un public pour ce genre de musique-là. Ça se peut très bien. Oui, peut-être, en fait. Puis écoute, je vous en souhaite pas de mal, même si j'affectionne pas particulièrement. Pis c'est pas comme si la musique devait être pareille non plus, hein? Non, c'est ça. C'est exactement. Normal, les styles différents, puis c'est normal qu'il y ait des fans pour ça, mais peut-être pas à tous les jours, dans mon cas. Mais impressionnant, pareil, comme tournée. Ouais. Tant mieux. Ouais. Timber. Voilà pour le poste d'écoute d'aujourd'hui. On en fera un autre éventuellement. C'est un bloc récurrent, mais pas régulier. Ici, à Assemblage Requis. On peut pas noter d'heure et de jour avec ça. On va retourner en musique ici à Assemblage Requis. Toujours l'émission matinale en pièces détachées. Voici Monogrenade et M'en aller. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Tu m'aimes plus. T'as jeté mon disque. Tu m'as oublié. Pourquoi? Hier, je me souviens, je marchais dans la rue. Toi, tu me montrais du doigt à ta copine. Tu lui disais que j'étais chanteur populaire. Mais qu'après trois singles, j'étais devenu vulgaire. Et maintenant, toi, t'es plus fan parce que je suis pas assez de mode. J'ai plus quelque chose de différent de l'autre. Groupe électro, chouchou de tes amis. Celui qu'on passe en boucle dans les surprises parties. Et t'as perdu mon disque, t'as plus mon MP3. Alors moi, je suis triste parce que je suis plus la star. On dirait que t'es plus fan de ma musique dans ta stéréo. C'est fini. Moi je vois bien que tu aimes ce groupe à la mode. C'est fini. Toi t'es plus capable de voir ma tête dans ces magazines. C'est fini. J'aurais bien aimé encore une fois te faire lever les mains. Hier j'avais tout un tas de emails. Mon sel n'arrêtait pas là tu appelles. J'avais des amis à revendre, des gens bien placés à la porte. Mais toi, tu n'es pas resté. J'étais peut-être pas assez frais, plus en accord avec ton cœur. Une image un peu dépassée. C'est fini. On dirait que t'es plus fan de ma musique dans ta stéréo. C'est fini. Moi je vois bien que tu aimes ce groupe à la mode. C'est fini. Toi t'es plus capable de voir ma tête dans ces magazines. C'est fini. J'aurais bien aimé encore une fois te faire lever les mains. Stéréo, c'est fini. Moi je vois bien que tu aimes ce groupe à la mode. C'est fini. Toi t'es plus capable de voir ma tête dans ces magazines. C'est fini. J'aurais bien aimé encore une fois te faire lever les mains. C'est fini. On dirait que t'es plus fan de ma musique dans ta stéréo. C'est fini. Moi je vois bien que tu aimes ce groupe à la mode. C'est fini. Toi t'es plus capable de voir ma tête dans ces magazines. C'est fini. J'aurais bien aimé encore une fois te faire lever les mains. J'aurais bien aimé encore une fois te faire lever les mains. Numéro avec la pièce C'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini. On pourrait peut-être finir la session avec ça. C'est fini. C'est fini. Ah, peut-être, ouais. Ça peut ah, être quand même, on a des concepts ici. Hein, hein, hein. Bon. C'est la fin de la première heure seulement d'Assemblage Hockey. Il y en a une deuxième qui s'en vient tout à l'heure avec Maxime Lemulin-Ramé et sa chronique télécharge quoi? Le coach va nous parler de ses découvertes de la semaine. The coach. The coach. C'est pour les des gens dans les maritimes, là, le coach, là, c'est un divan, ça. Parce qu'il prononce, tu sais, mettons, tu parles, puis le moment m'en va sur le coach, tu sais, sur le coach. Coach. Oh, ouais. C'est divin, ça. Toi, tu nous dis ça comme ça. C'est un fait. C'est un fait. Comme la chronique, c'est un fait qu'on fera éventuellement d'ici la fin de l'émission, si ça rentre dans le temps, ça. Ouais, c'est ça, on aurait plus à faire avec. On verra. Ouais. Restez là, il y a aussi l'ajustement avec le département des chiropratiques de l'UQTR. Ne manquez pas ça, l'info qu'en plus, on vient. Reste avec nous. Reste avec nous! Dans vos oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mercredi 6 avril 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Aujourd'hui, je sais pas ce que tu trouves. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que tu trouves? On joue de la musique calme aujourd'hui. Calme! On est relax. Relax! Et tu parles au ralenti! Oui! Et que c'est le fun à l'oreille, hein? C'est pas si pire. Pas si pire quand même. Ça peut... Ouais, il y a des affaires plus déplaisantes que ça, je suis certain. Est-ce qu'on essaie? Non. Non? Non. Ah. On a déjà été assez déplaisants, je trouve. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, t'es pas fait. Voici Alexandre Desilets. Il n'y a pas de géant. Un géant, ça marche lentement parce que ça a des grandes jambes. Oui! Quelle idée elle a eu de nous faire marcher à pas de géant? Yeah, man. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. We were conduits of love, led like phosphorescence, half asleep and self-indulged. We've lost our Angels are surely weeping de la formation Young Galaxy sur le palmarès anglophone de C'est fou. Toujours notre ambiance très très relaxe. Très calme. On sait pas trop ce qui se passe ce matin, là, mais ça va bien, inquiétez-vous pas, appelez-nous pas. Non, c'est ça, il n'y a pas de problème. Le suicide n'est pas une option. Tout va très très bien. Donc on va recevoir Maxime Lemaire-Amé, lui, un homme toujours aussi vivant. Oui. Avec Télécharge quoi. Salut les animateurs. C'est ton aérobie, ça, que tu fais le matin, stirer ton micro, repousser ton micro. Mes exercices matinaux. C'est fini pour la journée, t'en as assez fait. Est-ce que vous avez bien déjeuné ce matin? Oui, coach! Il restait plus tant de lait, fait que j'ai pris juste un bagel puis un yogourt. C'est déjà bien, je trouve. C'est mieux que bien les gens, oui. Ouais. Et vous, monsieur le coach, avez-vous déjeuné ce matin? Ouais, j'ai déjeuné. Ouais? Oh? Mais... Êtes-vous certain? Ouais, j'ai déjeuné. Mais, tu sais, c'est... Tu sais, vu qu'on déjeune à tous les matins, c'est répétitif, hein? Ouais, vraiment. Tout le temps la même affaire, puis c'est long à faire. Puis, c'est long à faire. Non, mais tu sais, attendre que tes bagels grillent. Ben, sinon, des céréales ou... Ouais, mais c'est pas assez, j'ai des céréales, sinon j'ai faim à 10h15. Ouais. Tu amènes une collation. Ouais, tu peux t'amener une collation, Mathieu. C'est bien. Une bonne idée, une bonne option. Donc, chronique fruit, nutrition, on dirait aujourd'hui, non? Comment? On dirait une chronique nutrition. On peut mettre dans sa boîte à lunch. Non, mais tu sais, on dirait que les déjeuners, c'est toujours la même affaire, non? Oui. Céréales, toast, un bagel, un petit croissant. Mais bon. Muffin anglais. Macaroni au fromage. Ah, tu vois ça? Non, jamais, moi. Jamais non plus. C'est rare. Ah. Bon, commençons la chronique. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du groupe The Antlers que j'avais découvert avec leur dernier album, Hospice. Eh bien, le 10 mai prochain, The Antlers va sortir son quatrième album long qui s'appelle Burst Apart. Burst Apart. Burst Apart. Ah, salut. Merci. Burst Apart. Oui. Puis, moi, je connais pas du tout. C'est très bon. C'est bon? Ben, moi, j'ai bien aimé Hospice. Là, à date, j'ai entendu une pièce de leur prochain album. Donc, je peux pas rien te garantir. Mais le groupe, ouais. La pièce, je pense qu'elle va, se mouler dans votre mood matinal de ce matin. Ouais. Je pense qu'elle est quand même douce. Donc, c'est ça. Mais moi, j'aime bien The Antlers. Ils étaient là à Oshiaga la dernière fois que j'y étais. Puis, je suis pas allé les voir. Oh, donc, Non, mais tu sais, c'est ça, Oshiaga. Ah, faut que tu fasses des choix, là. Ouais, faut faire des choix dans la vie. Tout est en même temps. Tout est en même temps. Puis, tu sais, c'est ça, dès qu'il y a un petit retard en quelque part, là, ça défait ton horaire. Ça fuck tout ton horaire. Ouais. Donc, on va aller écouter Parenthesis. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Parenthesis, c'est comme parenthèses. Parenthesis, ouais. Parenthèse. De The Antlers, tout de suite. OK. Dans le bloc, télécharge quoi de Maxime Lemieux Ramy dans son appareil? Yes! Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir! Pas dans l'armée ici. We'll be right back. C'était The Antlers avec Parenthesis. Parenthesis? P.S. Tendresse. P.S. Tendresse. Avec Maxime, le mieux la ramener. Ouais, non, mais là c'est ça. Là. Il faut se réveiller. Oui, attention. Hey, je peux te s'abonner, moi aussi? Hey, c'est moi qui me donne des tapes dans ma propre face et personne d'autre. Hey. C'est ça. Alors, on a entendu The Antlers et là, je suis un peu en retard là, dans les nouvelles, mais j'ai vu la semaine dernière que il y avait un nouveau CD de Gatineau, groupe rap francophone que j'ai beaucoup aimé. C'était quoi le titre de l'autre album d'avant? C'est une excellente question, ça. Je sais pas, hein? Parce que je sais que c'était leur deuxième. J'ai vu qu'il y avait l'intégrale avec 3 L, comme ils font si bien. Celui avec les gars en jaune sur la couverture s'appelait Gatineau, en tant que... Ah, c'est ça, ça doit être... Donc, c'est ça, c'est leur troisième album, si je comprends bien. Là, il y en a eu comme deux en 2007. Puis, ça fait déjà 3 ans et demi là, qu'a paru leur deuxième, plus récent avant celui-là. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai acheté Karaoke King sur leur site web. Puis j'ai écouté, à date, j'ai pas super embarqué comme j'avais embarqué dans le deuxième. Okay. Mais c'est sûr que la pièce titre de l'album là, est vraiment bonne. Ouais, c'est un succès des palmarès. Ouais. Puis là, j'ai choisi d'y aller avec un autre choix. Puis c'est une pièce que je trouve super drôle. Toute dépense payée. Je pense que c'est l'histoire d'un gars qui habite encore chez ses parents à 40 ans. Fait que j'ai écouté et lu les paroles, puis j'ai bien aimé ça. C'est ça qui est intéressant avec Gatineau, c'est de lire les paroles, comment c'est souvent profond et souvent rempli de drôlitude. Ouais. Moi, je suis allé sur leur site internet, je pense que c'est gatineau.mu, quelque chose comme ça, puis on peut voir les paroles, justement, puis on peut même entendre les pièces sans les paroles. Puis c'est là que tu as acheté l'album? Ouais, c'est là-dessus que j'ai acheté l'album. Combien, à peu près? 10$. Ah ouais? Tu l'as porté encore, j'imagine? Ouais, j'ai acheté numérique. OK, c'est bon. Puis tu l'envoies pas, non? Oui, il te l'envoie en... Ah, non. Okay, excuse, non. Il envoie pas la pochette. Mais c'est instantané, le téléchargement des MP3. Ouais, c'est ça. Il te l'envoie, je pense, par courriel. C'est cool. Zip, c'est réglé. Zip. Ouais, donc c'est ça. On va aller écouter la pièce « Toutes dépenses payées » de Gatineau. Okay. Leur plus récent album, Karaoke King. Dans le bloc télécharge quoi? Ouais. C'est toi ça, Mathieu, le Karaoke King. Ah oui? Ouais. Quand même. Chanter une chanson karaoké, pas un succès. C'est pas si pire. Je leur fais pas, ben là. Oh. C'est une fois et vous avez raté votre chance. Merde. Sébastien Karata, t'habites chez mes parents. Je t'en nomme autonome, mais c'est ta para. Karata, oui, je t'accorde chez mes parents. En dehors de la maison familiale, c'est pas un max. C'est au chalet. Pour pentance, résidence, secondaire, j'en l'ai, j'en passe. J'échange tous les soirs, puis tous les fins de semaine. C'est comme un forfait de seul, mais pour une BM. Je dépense l'argent, mais c'est les autres qui en parlent. Ça tout l'a des ministères, si tu regardes. Je m'alimente à la mamelle de mon bidage. Je crée un fonctionnaire pour un contribuable. Depuis que je suis petit, c'est un jupon. Depuis que je suis petit, c'est un cocon. Depuis que je suis petit, la ouate, le coton. C'est pas mal avec un geste de couper cordon. On passe la culotte courte au pantalon. La cour d'école au grand salon. Mais toujours aussi dépendant de mon papa qui m'a. Pas juste une impression, faudrait que je vole de mes propres ailes. Non, mais c'est quoi ça? C'est bitard, toutes ces ailes, c'est rendu qu'ils veulent plus. Un boss et char, parle de plus en plus de mettre de war, pas plus tard qu'il y a. Ils ont collé là ce qu'on a, mais c'est quoi le problème? Ils veulent maman, c'est rendu, t'as mis de me traiter aux petits soins. C'est rendu qu'ils parlent en fonction de leurs besoins. Quand je le fais une faveur, moi dans le fond de rester. Non, mais c'est quoi le problème? Ils veulent me tester depuis que je suis petit. Sous un jupon, depuis que je suis petit, dans un cocon. Depuis que je suis petit, la ouate, le coton. C'est pas mal avec un geste de couper cordon. Pour cette culotte courte, au pantalon. La cour d'école, au grand salon. Et toujours aussi dépendant de son papa. bloqué, chaque issue de secours, les sorties, mis mon soude de guide, caporal, l'ortigé, militairement, tout un arsenal. Je protège promptement le patrimoine familial de personne pour me déloger d'ici. Même l'hélicoptère pack and check de par la vite, y'a personne pour réussir à me sortir. S'ils viennent, je me fais sauter au bendon, je sais. C'est pas un penthouse, c'est une forteresse. Devant la place, un barrage se dresse, des tranchées, des mines, des câbles, bientôt des doux. Risque d'attraper l'iBike, mais qui me trouve? Il faut que je reste sous un jupon. Il faut que je reste dans un cocon. Il faut que je reste dans what? Le coton. C'est pas de mêler avec un juste de couper cordon. Ça risque de prendre un bout, une coupe d'échelon. Avant que je décolle, ça risque d'être long. Je suis toujours aussi dépendant de mon bon appui de la main. Gatineau avec la pièce « Toutes dépenses payées » de leur plus récent album « Karaoke King ». Toujours de la musique à texte, vraiment. Chanson ouais. À texte. Mm. Je lisais les paroles, je me disais « Crime, je pourrais en lire un bout ». Les paroles sont écrites au complet. Ouais, vraiment, parce que c'est pas des petits refrains, couplets, refrains, refrains, refrains, couplets, refrains, refrains. C'est pas comme ça, du Gatineau du tout. Sébastien, 40 ans, j'habite chez mes parents, je suis un homme autonome, mais c'est apparent. 40 ans, puis je suis encore chez mes parents. En dehors de la maison familiale, c'était peurant. Accès au chalet, au penthouse, résidence secondaire, j'en laisse, j'en passe. J'ai le char à tous les soirs, puis tous les fins de semaine. Comme un forfait de sel, mais pour une BM, je dépense de l'argent, mais c'est les autres qui en perdent. Je dépense de l'argent? Je dépense de l'argent, mais c'est les autres qui en perdent. Ah. C'est bien, hein? Ah, c'est bien. Le reste, comme tu disais sur le site. Ça me fait penser à mon adolescence. Ben voilà. Ça représente tout le monde. Ouais. Une bonne partie de la population. Donc, dernier artiste dont je voulais parler aujourd'hui, ce matin, c'est The Pains of Being Pure at Heart qui a sorti son deuxième album le 29 mars dernier, alors mardi dernier. Puis, c'est ça, qui s'intitule Belong. J'avais déjà fait passer la pièce Heartbreak in Your Art in Your Heartbreak. Ouais, je sais pas si tu viens, Mathieu. Mm-hmm. Je me rappelle du titre, en fait. Puis là, c'est ça, j'ai écouté l'album en entier au courant de la semaine. Puis il y a beaucoup de pièces que j'aime beaucoup, dont Anne with an E. Puis Mathieu qui disait qu'il y a du monde qui disent Anne. Mais sérieusement, il y a des personnes en haut d'un certain âge, apparemment, que les gens, c'est Anne et non Anne. C'est Marie-Anne, okay. C'est Anne, Sophie, c'est... Salut, Anne-Marie. Ouais, c'est vraiment laid. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme les personnes au-dessus d'un certain âge. au secondaire, je me rappelle, mon professeur d'histoire disait que la lettre Q, dans le temps, il fallait la prononcer que. Donc, il prononçait la lettre Q que. Je savais pas ça, moi. Fais-moi un exemple. Ben, tu sais, c'est la BGMP, que RSTV. Voyons donc. La lettre que. C'est juste parce qu'il voulait pas dire Q. Ben, c'est ça. Ah. Eh ben, mais Anne, par exemple, là, je sais pas pourquoi. Bon. Façon de parler. C'est comme on va faire un tour de machine, on va aller en ville sur le boucher. T'sais. Une crème à glace. Ouais. On va aller Sud-Eric-Queen. Sud-Eric-Queen. Ouais, c'est su. Dans ma famille, c'est dessus. Su. Dessus. Il va dessus. Ben, tu sais. T'es sur le trottoir ou sur l'asphalte, là, t'es su quelque chose. Ah, oui. Donc, on va aller écouter une pièce. Oui. L'album Belong de The Pains of Being Pure at Heart, c'est Anne with an E. Parfait, on écoute ça pendant que nous, on parle de personnes au-dessus d'un certain âge. veux nous achever aujourd'hui, toi? Comment? Tu veux nous achever? Ouais, ouais, mais je savais pas que vous alliez être dans un mood relax. Mais c'est je bon. Je voulais vous relaxer. C'est réussi. Je voulais vous détendre. Un petit massage sur les épaules comme ça, puis bonne journée. Bonne nuit. Mais tu sais, je pense que c'est pas trop représentatif de l'album. Il y a des pièces qui rock un peu plus, The Pains of Being Pure at Heart. Alors, on a entendu la pièce Anne with an E, de leur plus récent album, Belong. Belong. C'est un G très guttural, là, ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était ça, là. C'est tout? Ouais. Merci, coach. Je vais aller analyser mon pool. Ouais, c'est Lombardie. C'est pas une maladie du dos, ça, je pense. J'ai un Lombardie, c'est ça. Ah, c'est bon. Tu fais des liens. Ouais. Bon, ben, je vous laisse justement parler de Matthew Lombardie. C'est bon. Merci beaucoup, Maxime Lemulleramé. À la semaine prochaine, mercredi à 8h. Oui, merci. Salut. Yes, sir. Nous, on revient après la pause avec la chronique L'ajustement des étudiants du département de chiropratique de l'UQTR et d'autres mots. Alors, je pense que c'est tous les mots qu'il y avait à dire. Oh oui. Restez avec nous. Ouais, ben ouais. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Il nous reste encore une demi-heure ensemble et maintenant, tantôt on parlait de Matthew. Matthew, c'est ça, Matthew Lombardi? Matthew Lombardi. Lombardi, problème de dos. Et puis là, normalement, je ferais comme une transition parce que dans l'intro, ça dit justement, fait, il faut que je fasse une blague qui mène vers ça. Tu comprends le principe? Donc, Matthew Lombardi, problème de dos. Et voici justement l'ajustement, présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR. C'était ça à coche comme intro, tu sais. Ouais, ouais, c'était OK. C'était mauvais à mort. Donc, on reçoit comme régulièrement ici à l'émission Chenille des Groseilliers du département de chiropratique de l'UQTR. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous autres? Une très belle journée à l'horizon. Mm-hmm. Oui, il fait beau soleil, fait beau. Ça fait du bien. Est-ce que tu participes à des poules? Est-ce qu'il y a des poules en chiropratique, genre quelle personne va se rétablir dans une certaine période de temps? Non, mais ça pourrait peut-être être une idée, par accord. C'est cruel, peut-être un petit peu. Genre lui là, son problème de dos, il se réglera jamais parce que c'est trop sévère. Non, ça se dit pas, ça. Non, pas vraiment. Éthiquement, ça, ça serait pas correct. Allons. Ouais. Pas vraiment. Donc, de quel sujet est-ce qu'on parle aujourd'hui, Chen? Je vous parle de mission humanitaire. Saviez-vous qu'il existe des missions humanitaires chiropratiques? Vous allez dans d'autres pays régler des problèmes... Absolument. De dos. Absolument. Moi-même, j'ai participé à une mission humanitaire en octobre. Je suis allée passer 2 semaines en Équateur, soigner des gens là-bas, dans un petit village très pauvre du pays. Et ça a été une très belle expérience, d'ailleurs. Mais je voulais faire connaître cet aspect-là de la chiropratique aux gens. C'est que la chiropratique est en plein essor à travers le monde, mais il reste encore vraiment des régions sur la planète où c'est méconnu, où il y en a très peu. Par exemple, en Amérique du Sud, de façon assez généralisée, ce n'est pas une profession qui est en plein essor, si je pourrais dire. Par exemple, en Équateur, il y a un chiropraticien à Guayaquil et je crois qu'il en a un à Quito et c'est tout. Pour tout un pays. Le côté positif, c'est que ça doit être des gens très, très occupés. Oui, mais encore là, c'est pas des gens qui sont facilement accessibles pour la population en général. Quand on n'a pas beaucoup de moyens dans ce coin-là, ben, on s'arrange comme on peut. Et donc, la plupart des gens doivent se passer de ces services-là. Oui, absolument. Et puis ça, en fait, une mission comme ça, là, est-ce que dans votre cheminement scolaire, académique, est-ce que c'est un prérequis? Est-ce qu'il faut absolument passer par là? Absolument pas. Non? C'est du extracurriculaire complètement. C'est qu'à chaque année, il y a des missions qui sont organisées avec Chiropratique sans frontières, qui est sous le même chapeau, par exemple, qu'Infirmières sans frontières, Médecins sans frontières. Ouais, j'imagine que c'est ça. Gros Terres sans frontières. Et eux sont habitués, ils ont plusieurs contacts dans plusieurs pays à travers le monde et ils organisent des missions. Il y en a une en Bolivie qui, à chaque année, se réalise, celle-là. Celle en Équateur, où moi, je suis allée, a peut-être eu lieu une fois aux deux ans. Puis, il y en a d'autres indépendantes qui s'organisent aussi par les étudiants avec des chiropraticiens parce que, sûr, on peut pas aller traiter les gens. C'est comme ici, là, à l'université, on pratique sous la licence de nos cliniciens. Donc, c'est le même principe quand on va faire une mission humanitaire. On doit avoir au moins un chiropraticien. Faut que tu sois encadré. Exactement. Exactement. Donc, dans mon cas, on était 5 étudiants avec un chiropraticien qui nous accompagnait. OK. Et puis, en quoi, en fait, ça peut être, c'est sûr qu'au niveau personnel, c'est très enrichissant pour la personne qui le fait. Mais, oui, tu sais, au niveau pratique, au niveau, en fait, là, pour la chiropratie, en quoi ça peut être enrichissant pour un étudiant, mettons, exemple, d'aller... Bien, en 2 semaines, j'ai traité... Bon, si je prends, par exemple, les exigences cliniques qu'on a quand on fait notre internat, ici, on doit réaliser 500 traitements, okay, 500 ajustements. En 2 semaines, j'en ai fait près de 200 traitements. Attends, what? Donc, c'est une expérience très forte au niveau de la technique là, pour m'améliorer dans mes techniques. C'est vraiment plus proche de la réalité que tu vas connaître sur le marché du travail parce que dans le sens oui, où j'imagine qu'il faut que tu en passes quand même beaucoup là, si tu veux que ça soit quand même relativement rentable. Oui. Absolument. C'est sûr que c'est plate de dire rentable quand on parle de médecine ou ces trucs-là, là, mais... Non, mais faut quand réalité, même... C'est mon gang-bang où ça va le devenir. Bientôt. Exactement. Hein? La grosse différence, je dirais, c'est qu'ici, je vais parler en français. Là-bas, c'est en espagnol. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est sûr, pas facile à comprendre pour, en fait, des gens qui ont mal puis qui, pour expliquer, c'est sûr qu'en fait, j'imagine que t'étais encadré, donc le professeur... Bien, généralement, ils vont envoyer soit un interprète avec le groupe. Okay. Dans notre groupe, on n'en avait pas d'interprète parce qu'on avait tous des bases en espagnol, puis on se débrouillait quand même assez. Okay. Puis il y avait une personne dans le groupe, Patricia, qui était vraiment excellente. C'était notre interprète à nous, si on veut. Là, quand on n'était pas certain de ce que la personne venait nous expliquer, alors là, on demandait « Patricia, qu'est-ce qu'il y a dit? » Patricia! Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'il y avait la barrière du langage et puis que des fois, bon, c'était un peu difficile à comprendre. Parce que j'imagine, c'est ça, il y a des termes assez spécifiques. Là. Oui, mais on gardait ça quand même assez simple. Okay. Puis c'est assez simple aussi en français. Si tu viens me voir, je vais te demander, bon, où as-tu mal? Ça, c'est quand même simple comme question. Et puis, quelle intensité ta douleur, 0 à 10? Puis, comment tu la décrirais? Un coup de poing, un coup de couteau, ça brûle? Ça reste des termes assez simples. Mais j'imagine, en fait, dans des cas un peu plus particuliers, dans le sens où la personne a mal quand, mettons, elle fait quelque chose de spécifique, mettons, debout, et puis, tu sais, ça peut être... Oui, ça, j'avoue, ou d'expliquer, par exemple, c'est arrivé, je me rappelle, c'est pas moi qui l'ai traité, lui, mais le monsieur, il avait eu un gros accident de moto, là, il avait une grosse cicatrice à travers le crâne puis le front, puis j'imagine que si ça avait été moi qui avait dû écouter son histoire de comment son accident est arrivé, je suis pas mal sûre, j'en aurais manqué peut-être des petits bouts, là. C'est okay. Ça. Mais pour aller chercher l'essentiel de l'information, ça allait. Je vous dirais que le plus gros challenge avec la langue que j'ai eu à faire, c'est d'expliquer à une dame que je soupçonnais avoir un cancer. D'expliquer à cette dame-là, « Là, madame, allez voir votre médecin parce que c'est très important. » Puis cette dame-là avait déjà eu le cancer du sein. Elle était en rémission depuis 7 ans. Puis là, ben, le patron, comment ça se présentait? C'est sûr que j'avais pas d'analyse avec moi pour confirmer le diagnostic. Je pouvais pas faire un diagnostic de cancer. Mais d'après toi, c'était quand même... La présentation, elle suggérait très fortement cela. Donc, c'est pour ça que là, j'essayais d'expliquer à la dame d'aller voir son médecin. Le plus vite possible. Puis dans ces cas-là, tu ne peux pas lui dire « je pense que tu as un cancer ». Tu ne peux pas? Non, absolument pas. Je lui dis « je pense que vous avez peut-être une condition de santé qui... est hors de mon champ, de mes compétences. Il faudrait aller voir le médecin, passer des analyses pour ça, vérifier là, plus clairement. » qu'est-ce qui se passe. OK, OK. Et puis, en fait, un voyage comme ça, ça peut coûter combien à l'étudiant? Est-ce que c'est payé par une partie par l'université? Non, pas du tout. Il faut se financer. Okay. Souvent, la chasse, là, si vous allez à la chasse ces temps-ci, il y a une mission Bolivie qui vend des hot dogs. Ouais. C'est toujours une bonne façon. Hein? Mais, ça attire oui, beaucoup de gens. C'est ça. Puis ça, notre mission aussi, on l'avait fait. On a vendu toutes sortes de produits, de trucs. On a fait des activités pour essayer de ramasser de l'argent, bien sûr. Parce qu'un voyage comme ça, ça vaut combien, mettons? C'est sûr que ce pas des vacances, mais... Ça va varier, je dirais, entre 3 et 4 000 $ Par étudiant. Faut que tu en vendes notre dog. Ouais. Oui, absolument. Mais c'est sûr que l'enrichissement personnel vaut l'investissement financier, je trouve, personnellement, parce que, de toute façon, on s'en va aider des gens qui n'en ont pas de moyens. Puis même si on est là juste 2 semaines, cette petite bulle de soulagement-là qu'on peut leur apporter, des fois, ça fait une grande différence chez ces personnes-là. Puis c'est ça, parlant de ces personnes-là, comment est-ce qu'ils sont choisis pour aller vous consulter, vu qu'il n'y en a pas? Tu sais, c'est quoi, y a-tu un ordre de tri? Ils passent-tu une annonce dans le journal? Là, ça dépend vraiment des lieux où on va. Okay. Là, je peux juste parler de mon expérience en Équateur. Nous, on logeait dans une école pour enfants handicapés qui avaient des handicaps physiques et ou mentaux. Et la directrice, elle aussi, vivait à même l'école, puis... Elle a parlé qu'on s'en venait, elle a parlé de nous, puis il y avait déjà eu des missions dans le passé. Donc, les gens de la communauté locale connaissaient déjà un petit peu la chiropratique et là, savaient qu'on s'en venait. Donc, notre arrivée avait été annoncée. La deuxième semaine, on est allé passer 3 jours dans une autre petite ville. Et là aussi, les gens... Ça avait été annoncé. On était arrivé, ça je me rappelle, on est arrivé là le matin, il y avait déjà une file de gens. Ah ouais. Qui avait des douleurs et puis... Oui. Il y en avait que c'était des choses très, très simples, là, des petites douleurs pas compliquées. Il y en avait d'autres, c'était vraiment plus complexe. C'était souvent relié, je dirais, au travail qu'ils faisaient, qui était assez physique pour la plupart d'entre eux. Là. OK. Puis combien vous étiez, à peu près? D'étudiants? Ouais. On était 5 étudiants avec un chiropraticien. Je sais que la mission Bolivie, eux, peuvent accueillir jusqu'à 10 étudiants. OK. 5 étudiants de l'UQTR, là. Oui. Okay. En fait, il faut être dans notre dernière année. Il faut être finissant pour pouvoir aller faire une mission. Oui, absolument. C'est le même principe que faire notre internat à la clinique ici à l'université. Là. Okay. C'est dans la dernière année qu'on le fait. Donc, c'est la même chose. Là. Et puis, c'est ça. Ce temps-là passé, j'imagine que ça compte comme de l'internat ici. À... Ben non. Non? Non, voyons donc. Mais pourquoi? Ben, c'est vraiment bizarre. Oui. Là, je sais pas cette technicalité administrative, là, mais je pense que ça serait peut-être difficile à comptabiliser. Je crois que ça l'a déjà été comptabilisé dans le passé, mais... C'est 200 sur 500. Hein? Oui, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de preuve qu'il y a eu 200 personnes? Mais, non. mais c'est ça, peut-être pas la totalité, mais à la limite, on peut faire une moyenne de, mettons, tant de patients par jour. Puis on sait très bien que vous en faites plus. Et en plus, crime, vous payez pour ça. Ben oui. Tu sais, oui. C'est en tout cas, c'est un débat, là. Je suis entièrement d'accord. Ça reste des questions de débat dans le département. Tu sais, je veux dire, au pays, prends-le en photo quand tu le prends. Dans le 200 photos, 200 JPEG, 200 crédits. C'est bon, ça. Je vais soumettre l'idée. Fallait y penser. Et puis, c'est ça, pendant votre voyage? Oui. J'imagine qu'il y a eu des moments un peu plus croustillants. Non, mais on veut des anecdotes. Je sais pas si en fait en a à nous donner aussi, là, mais tu sais, mettons. Un cas particulier à traiter ou quelque chose de drôle, je sais pas trop. J'ai vu, ça m'a vraiment frappé. J'ai eu une dame qui avait souffert d'éléphantiasis. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette condition-là. Mais moi, ça me dit rien. Moi, j'avais appris ça dans mes cours de microbiologie. Là. J'avais vu des belles photos. Là. Enfin, il y a un problème avec le système lymphatique. Et elle avait une jambe qui était gigantesque. Ah, j'ai déjà vu des photos de ça. Et la peau est très, très épaisse et très rugueuse. Ouais. Donc, moi, j'ai eu un cas comme ça. Là. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi, comme, ben, en fait, comme moi je pouvais pas traiter cette condition-là, mais la dame ne venait pas me consulter pour ça. Elle venait me consulter pour des maux de tête. C'est que ça a donné qu'elle avait aussi de problèmes. J'ai vu un documentaire sur une dame qui avait des jambes comme ça, éléphantiasis. Les deux jambes, mais genre, ses jambes doivent mesurer comme 5 pieds. Là. Oui. Super. En tout cas, c'est quelque chose. Oui. C'est assez impressionnant. Oui, eh bien. Merci pour l'anecdote. Bravo, ben. François, pour la question. Ça fait plaisir. Sinon, mais c'est un très beau pays, l'Équateur. Mm. On a traversé la cordillère des Andes. C'était magnifique. Mais ça, est-ce que vous en avez profité aussi pour en fait, là, visiter un peu? Faire nos touristes? Ouais. Absolument. Ouais. Les fins de semaine nous appartenaient. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait. Puis, c'était extraordinaire parce que notre hôtesse avait un ami qui était guide touristique et il était, c'était un charme, cet homme-là. Jésus, qui s'appelait. Jésus. Oui. Ben, c'est Jésus, c'est en Jésus. Fait, mais faut, le J, il faut prononcer. C'est un beau son. C'est beau, hein, dans le micro. Non, là, oui. En fait, non, c'est ça, mais lui nous a amenés à différents endroits là, qui étaient vraiment magnifiques. Là, donc, ça a été un bon temps. Ouais. Je crois que vous affichez, si je ne me trompe pas, des photos de certaines missions dans les sur les murs de la clinique chiropratique. Si oui, absolument. Il y a des cadres qui ont été faits dans les années passées avec quelques photos de chacune des missions. Bon. Sinon, on écrit dans notre petit journal du département. C'est génial. On ne peut pas en passer à Mathieu Plante. Tu n'avais pas parlé des photos on ne passe pas de lapin. Sinon, on rappelle que la mission Bolivie, tu disais que c'est encore la levée de fonds, si on veut, pour ce projet-là en ce moment. Oui, là, je sais pas les soirs exacts, mais si vous venez, je le sais. Hein, c'est près de la Chasse-Galerie. On voit, il y a des pancartes de toute façon. Oui, c'est ça. Stand. Si vous voyez les pancartes, alors allez encourager. Ça, c'est même pour si vous voulez pas manger des hot dogs, vous pouvez leur donner... Donner de l'argent, ben oui. Ben oui. Tout simplement. Ça, c'est pour les étudiants de l'année prochaine? Oui, mais c'est pour les étudiants, dans le fond, qui vont partir cet été. OK. Donc, ceux qui finissent leur deuxième année, c'est bien ça? Non? Non, c'est ceux qui sont, commencent leur cinquième année. Leur cinquième année. Oui. Donc, ceux qui finissent leur quatrième année. Exactement. OK. Exactement. Ah oui. Parfait. Donc, encouragez-les. Yeah! Ben oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis vous êtes gagnant, Yadid. Ben oui. Oui. Ils sont c'est pas très bons. Y a-t-il des condiments aussi? Oui. Oui, ah bon. Relish, ketchup, moutarde. Wow. Napkin. Le luxe, quand ça. Même, hein? Mais oui. Moi, je me souviens de ma mère, les anciennes. Mais là, on ne veut pas que vous partiez tout sale danser avec du ketchup sur le coin de la bouche. Vous devriez se fournir comme condiment. Tu sais, le petit pot de petite crème froide qui te met dans ses épaules, là. Ah! Le flash. Oui. Du non. Deep cold. Deep cold. Ou peut-être ça pas. Sent vraiment fort. Ça, dans le temps que j'allais au chiro ici, je sentais ça pour le reste de la semaine, je pense. Tu t'appelles? Ah ouais. Moi, ce que j'aime à mes patients, c'est est-ce que ça vous dérange de sentir le pepperman? Oui, le pepperman. Le pepperman. Tu dis pas ça au pepperman. Non. Merci beaucoup, Chenille Desgroseilliers. Merci beaucoup. Hey, merci. Vous deux. Ben, oui. À très bientôt. Qui m'a parlé avec l'ajustement? Ben oui. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On va aller écouter une musique qui va nous remettre, là, tu sais. Il va nous pepper. Du pepperman. Ouais, ouais, donc. C'est du pepperman. Voici Tokyo Police Club avec Boots of Danger. Wait up. On your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. So wait up. You never get nervous anymore. So wait up. Tokyo Police Club et la pièce Wait Up, Boots of Danger, ou encore au contraire, Boots of Danger en parenthèse, Wait Up. C'est le sens que vous voulez. La parenthèse va à l'endroit que ça t'attente. Maintenant, c'est la chronique, c'est un fait. François-Olivier, c'est la chronique, c'est un fait. Tu sais ce que c'est? Je danse. Oui, tu danses la petite chanson de la dactylo. Et on renvoie la barre par en arrière. On renvoie la barre par en arrière. Non? Oui! Bon. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, ben, je vous ai promis des faits sur la Statue de la Liberté et sur Bugs Bunny. Oh! Ouais. Savais-tu que la Statue de la Liberté, sa face a été modelée d'après la mère de celui qui l'a sculpté? Oh ouais. Ouais, donc, ça serait sa mère. C'est sa mère. Ben, sa face ressemble étrangement à Elvis, comme la photo le prouve sur assemblagerequis.com, mais non, c'est bien basé sur sa mère. Lady Liberty a été créée par un jeune Français du nom de Frédéric Bartholdi. Son design a été approuvé et il a reçu un brevet de design américain. Donc, après ça, Bartholdi est venu outre-mer, donc en Amérique, et a personnellement sélectionné le New York Harbor comme le site qui allait héberger sa statue. La torche de la statue a été la première chose à être construite en France en 1876. Le 4 juillet 1884, la statue complétée a été donnée en cadeau aux États-Unis. Par contre, son réassemblage a été complété seulement en octobre 1886. Donc, 2 ans et quelques plus tard. Ouais, c'est long, là. C'est très, très long. En 1984, la torche originale, qui est maintenant située dans le lobby du monument, a été remplacée par une nouvelle torche de cuivre qui était couverte d'or 24 carats et qui était allumée par la lumière de la nuit. Malheureusement, la torche au-dessus du bras de la statue a été fermée, dans le fond, au public. On ne peut plus visiter ça. Depuis 1916, à cause du cuivre qui commence à faiblir dans ce coin-là. Ah, cuivre fait. Donc, ça pourra tomber un jour. Peut-être un jour, ou en tout cas, au moins être rénové. Bugs Bunny, à l'origine, s'appelait Happy Rabbit. Ah, intéressant. C'est vrai. Le personnage lapin de dessin animé, voilà. Il n'avait pas de vrai nom à ce moment-là, donc il l'appelait Happy Rabbit, le lapin heureux. Sa première apparition dans Porky's Hare Hunt mettait en vedette Porky the Pig et son chien qui chassait des lapins, dans le fond. Le lapin, encore une fois, pas nommé à ce moment-là, est plus futé que lui et évite de se faire attraper. À ce moment-là, son apparition et son apparence et sa personnalité n'avaient pas encore été complètement décidées. Il avait les mêmes manières, à peu près, que Daffy Duck, et plus tard même que Woody Woodpecker a été basé sur ce personnage lapin pas nommé. Donc, dans le fond, le premier personnage a inspiré plus tard Woody Woodpecker, Woody le Pic. Bugs a passé à travers plusieurs redesigns, jusqu'à sa dernière apparence. Au début, il était blanc à la place d'être gris, et son corps ressemblait beaucoup plus à un vrai lapin. Ils ont alterné aussi entre avoir de grosses, grosses dents et pas de dents du tout. À travers ces différents designs de Bugs Bunny. Quelques faits rapides. GeoCities, tu te rappelles de GeoCities pour héberger des sites web? Oui. Oui. GeoCities, ça a débuté comme compagnie d'hébergement web qui s'appelait Beverly Hills Internet. Oh! Pas aussi joli que GeoCities, quand même. GeoCities qui a fermé depuis, complètement. Tu connais les sous-sons Tootsie Pop? Tootsie Pop? C'est ceux qui ont... c'est ceux qui sont comme au chocolaté un peu, là. Tootsie Pop. Il y a des bonbons basés là-dessus aussi. En tout cas, on se demandait combien de lichettes ça prenait pour aller jusqu'au centre de Tootsie Pop. En fait, c'est leur campagne publicitaire était basée sur le lichage, de combien de fois ça prenait de lichage. Bref, en moyenne, une licking machine, une machine à lécher de Purdue University a prouvé que ça prenait 364 lichettes pour se rendre au centre d'un Tootsie Pop. Avec une langue moyenne, j'imagine. Une chance qu'on sait ça. Il est à terre, vraiment. Ça manquait. McDonald's vend plus de 550 millions de Big Mac par année. C'est énorme. 550 millions. Derrick Queen a commencé à faire des blizzards en 1985. Tu sais, les blizzards chez Derrick Queen. Mais ils avaient la marque de commerce pour le mot blizzard depuis les années 50. Dans ce temps-là, un blizzard était seulement un milkshake épais. C'est un milkshake... Faut que tu suces vraiment fort. J'ai besoin de faire le son, d'ailleurs. Sans les morceaux qu'on connaît depuis dans le Blizzard qui ont été ajoutés avec le temps. Donc, depuis 1985, comme je disais, le Blizzard, c'est spécifiquement un dessert avec soit des fruits mélangés, soit des bonbons, soit des noix, soit des biscuits. Donc, à l'intérieur de ce milkshake-là. Le Blizzard avant, sans le bonbon, donc le Blizzard à la base, le milkshake épais, s'appelait du concrete, du ciment. C'était vraiment le nom qu'on donnait à cette friandise-là, du ciment. Ça donne vraiment envie d'en boire, finalement. Ou d'en manger, si solide que ça. Donc, Concrete, ils ont laissé faire le nom après quelques années. Il y a plus de 75 saveurs de Blizzard. Et en Chine, ils ont même un Blizzard à la saveur de thé vert. Ah, ça pourrait être bon. Non. Je sais pas. Bah, ouais. J'aimerais bien me goûter à ça. Peut-être. Voilà pour Dairy Queen. Il nous reste encore assez de temps pour un dernier fait. Savais-tu qu'il est possible pour une personne d'avoir une vision qui est meilleure que 20 sur 20? Oh ouais? C'est pas ça, hein? Parce que 20 sur 20 n'est pas la vision parfaite, c'est la vision normale. La vue, je vais vous l'expliquer, j'essaye de comprendre moi-même en lisant. Je l'ai lu tantôt et je trouvais ça un petit peu flou. C'est bizarre, ouais. Flou, c'est un jeu de mots de... Ouais. Donc, la mesure normale standard pour la vue est 20 divisé par un autre chiffre qui est supposé indiquer jusqu'à quelle distance quelque chose aurait l'air s'il était à 20 pieds. Donc, quelqu'un qui a une vision 20 sur 20 regarderait quelque chose qui est à 20 pieds et le verrait aussi bien qu'une personne normale devrait le voir à une distance de 20 pieds. Donc, je sais que c'est une drôle de façon de l'expliquer, de décrire cette chose-là, mais ça a plus de sens si on le compare avec quelqu'un qui a une vision moins bonne que 20 sur 20. Donc, si tu as une vision 20 sur 40, tu peux regarder quelque chose à une distance de 20 pieds et ça aurait l'air aussi flou qu'une personne normale le verrait à 40 pieds. OK. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ouais, ça, c'est logique. OK. Puis l'inverse est aussi vrai. Exactement, l'inverse est aussi vrai. Donc, si tu as une vision 20 sur 15 ou une vision 20 sur 10, quand tu regardais quelque chose à 20 pieds, tu le verrais aussi près que quelqu'un de normal le verrait à 10 ou 15 pieds, si tu as 20 sur 15 ou 20 sur 10. Ouais. Le chiffre 20 est donc complètement arbitraire, complètement au hasard. Mais si on utilisait le système métrique, nous dit l'article, si on utilisait le système métrique, la vue normale serait de 6 sur 6. Donc, quelque chose à 6 mètres serait à la même vision que quelque chose... C'est qu'une personne, en tout cas, à 6 mètres au lieu de 20 pieds si on y allait sur le système métrique. C'est compliqué, mais c'est comme ça. 20 sur 20, c'est la vision normale. 20 sur 40, ce serait une vision floue. 20 sur 10, c'est une vision bonne. Meilleure que la normale. Ah, intéressant. Donc, 20 sur 20, c'est pas la perfection. Voilà pour la chronique, c'est un fait d'aujourd'hui. François-Olivier... Merci, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Et nous, ça donne que c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain matin à 7h avec une toute nouvelle édition. Qu'est-ce qu'il y a à l'émission demain, François? Demain, on reçoit Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. Tout à fait. On reçoit aussi François Landry avec sa chronique Loco Classique 101. Donc, tout ça demain. Et il y a aussi à 7h30 une invitée spéciale. Oui, une dame qui va venir nous présenter son projet PICOM, projet d'intégration communautaire. Donc, ça va être intéressant à 7h30. C'est demain, donc entre 7h et 9h. Restez à l'écoute sur nos ondes à 11h tantôt, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Puis en après-midi, l'émission culturelle, une dose d'estrogène. Après ça, on passe en mode rap avec Mets-toi bien 15h et Rap Contact à 17h. Et plus tard en soirée à 21h, c'est du trance avec Psy-TR. Non, pas tellement le genre de musique qui joue là-dedans. Pas sûr. Non, je crois qu'il pourrait faire des tests. Des remix. Peut-être. Merci beaucoup, Mathieu Plante. Merci à toi, François-Olivier. Merci à Chenille Desgroseilliers. Merci à Maxime Lemieux-Laramé. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. À demain. Bye. À demain. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.